Bien soir, ce soir, disco, parade avec Jean-Pierre à la batterie qui va faire du disco. Hey, if you are here on this day, the feast of the day, what can Allez, je vais essayer. À quelle heure il est là? Je vais essayer d'aller sur ton c'est truc. C'est de la merde en bas. Internet. J'essaye. Comment on fait? C'est ma bite. Il faut que je... Attends, c'est un autre ordinateur. Je vais essayer. Il faut que. C'est quoi? Jamulus, c'est ça? J Je vais essayer de jamais. J'ouvre mon serveur et tu viens de connecter dessus. Ok. J'y vais. Non. Oui. Jamulus. Thank you.